Le lendemain matin, on nous assembla de nouveau pour l'instruction, et ce fut alors que je commençai à réfléchir pour la première fois sur le pas que j'allais faire et sur les démarches qui m'y avaient entraîné. J'ai dit, je répète, et je répéterai peut-être une chose dont je suis tous les jours plus pénétré. C'est que, si jamais enfant reçut une éducation raisonnable et saine, ça a été moi. Né dans une famille que ses mœurs distinguaient du peuple, je n'avais reçu que des leçons de sagesse et des exemples d'honneur de tous mes parents. Mon père, quoique homme de plaisir, avait non seulement une probité sûre, mais beaucoup de religion. Galant homme dans le monde et chrétien dans l'intérieur, il m'avait inspiré de bonne heure les sentiments dont il était pénétré. De mes trois tantes, toutes sages et vertueuses, les deux aînées étaient dévotes, et la troisième, fille à la fois pleine de grâce, d'esprit et de sens, l'était peut-être encore plus qu'elle, quoique avec moins d'ostentation. Du sein de cette estimable famille, je passai chez M. Lambercier, qui, bien qu'homme d'église et prédicateur, était croyant en dedans et faisait presque aussi bien qu'il disait. Sa sœur et lui cultivèrent, par des instructions douces et judicieuses, les principes de piété qu'ils trouvèrent dans mon cœur. Ces dignes gens employèrent pour cela des moyens si vrais, si discrets, si raisonnables, que, loin de m'ennuyer au sermon, je n'en sortais jamais sans être intérieurement touché et sans faire des résolutions de bien vivre auxquelles je manquais rarement en y pensant. Chez ma tante Bernard, la dévotion m'ennuyait un peu plus parce qu'elle en faisait un métier. Chez mon maître, je n'y pensais plus guère, sans pourtant penser différemment. Je ne trouvais point de jeunes gens qui me pervertissent. Je devins polisson, mais non libertin. J'avais donc, de la religion, tout ce qu'un enfant, à l'âge où j'étais, en pouvait avoir. J'en avais même davantage, car pourquoi déguiser ici ma pensée? Mon enfance ne fut point d'un enfant. Je sentis, je pensais toujours un homme. Ce n'est qu'en grandissant que je suis rentré dans la classe ordinaire. En naissant, j'en étais sorti. L'on rira de me voir me donner modestement pour un prodige. Soit, mais quand on aura bien ri, qu'on trouve un enfant qu'à 6 ans, les romans attachent, intéressent, transportent, au point d'en pleurer à chaudes larmes. Alors, je sentirai ma vanité ridicule et je conviendrai que j'ai tort. Ainsi, quand j'ai dit qu'il ne fallait point parler aux enfants de religion si l'on voulait qu'un jour ils en eussent et qu'ils étaient incapables de connaître Dieu, même à notre manière, j'ai tiré mon sentiment de mes observations, non de ma propre expérience. Je savais qu'elle ne concluait rien pour les autres. Trouvez des Jean-Jacques Rousseau à 6 ans et parlez-leur de Dieu à 7. Je vous réponds que vous ne courez aucun risque.